السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة، ولا ريب أن أعظم هذه النعم نعمة الإسلام، نعمة الهداية إلى هذا الدين العظيم القويم، نعمة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن وهذا الإسلام خير من حطام الدنيا. وهذا الدين بلغنا بسبب رجل عظيم اصطفاه الله، اختاره الله نبيا ورسولا، وابتعثه برسالته، أنزل عليه أعظم كتبه القرآن العظيم. ووصفه الله تبارك وتعالى في غير ما آية فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. On remercie Allah Azza wa Jal pour ses nombreux bienfaits. On le loue et on prie sur son noble prophète et messager صلى الله عليه وسلم. On remercie Allah Azza wa Jal pour le meilleur bienfait, celui auquel il nous a guidé, le bienfait de l'islam, le bienfait de la guider à cette religion. Il n'y a pas de bienfait plus grand que le bienfait de l'islam, que le fait de faire partie de la communauté du meilleur des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du meilleur livre El Qur'an al-Azim, la communauté qui sera la plus grande partie des habitants du paradis. Ja'anallahu wa iyyakum min ahli al-jannah. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre son bienfait dans le Coran de l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: laqad manna Allahu alaykum laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Allah azza wa jalla nous parle du bienfait de l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a resté ces versets. Il est venu pour nous éloigner de l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal, pour nous faire revenir à la droiture, la sagesse pour laquelle on a tous été créés, adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il a donc choisi cet homme qui est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam pour porter ce grand message au monde, pour lui révéler le meilleur des livres, Al-Qur'an al-Karim, Al-Qur'an al-Majid, Al-Qur'an al-Azim. Il l'a envoyé à son peuple pour les faire sortir de l'adoration des idoles, des fausses divinités et de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, afin qu'ils reviennent au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, afin qu'ils unifient Allah d'un culte sincère. فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّ الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ وَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ أَنصَارَ يُدَافِعُونَ عَنْهُ يَنصُرُونَهُ وَيُبَلِّغُونَ شَرْعَهُ إِلَى الْأُمَمِ. Et Allah Azza wa Jal a choisi des hommes, a choisi les meilleurs des hommes pour secourir son messager et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a mis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam des hommes qui sont les meilleurs des gens après les prophètes et après les messagers radiallahu ta'ala anhum. Ha'oula هم الذين نصروا دين الله هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أنفقوا هم الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم هم الذين بذلوا النفس والنفس فرضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم sont ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa mission. Ce sont ceux qui l'ont défendu. Ce sont ceux qui ont dépensé de leurs biens. Ce sont ceux qui ont sacrifié leur personne, leurs biens, leurs familles, leurs enfants pour secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et afin que l'islam se propage. Ce sont ceux qui ont émigré avec lui de Mecca à Medina. Ce sont ceux qui ont tout abandonné à Mecca pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madinah pour secourir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah wal-ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal-ladhina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Et dans de nombreux versets, Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges de ces hommes. Des hommes qui ont témoigné de la révélation du Coran, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient là et ils ont vu le Coran révéler, les versets descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhraja l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala في كتابه الذي هو أصح الكتب المصنفة في باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم رضي الله رحمهم الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la valeur des sahaba. Il nous a montré la suprématie des sahaba sur les autres croyants et sur les autres communautés et sur ceux qui allaient venir après eux parmi les musulmans en nous disant les meilleurs des gens sont les gens de ma génération, c'est-à-dire les sahaba. Puis ceux qui viendront après, c'est-à-dire les tabi'oun. Puis ceux qui viendront après. Atba'u tabi'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous montre la valeur des sahab. Nombreux sont les versets qui nous montrent cela. Et nombreux sont les hadiths également. Fahum khiyarun nas fi khayril ummah. Donc ce sont les meilleurs de toute la communauté. Et notre communauté est la meilleure des communautés. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى نريد القرآن les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires, c'est-à-dire les habitants de la Mecque, et les Ansar, les habitants de Médine. Et ceux qui les ont suivis avec excellence, Allah les agrée. Allah est satisfait d'eux. Et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Voici l'énorme succès. Voici l'énorme succès. Dans ce verset, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la place des compagnons. Il les a cités en détail et en particulier. Il les a cités et a fait leurs éloges dans ce verset. وَجَعَلَ هَذَا الثَّنَى قُرْآنًا يُتْلَى إِلَى قُرْبِ قِيَامِ السَّاعَةِ. Allah a fait leurs éloges. Et a fait de ces éloges un verset du Coran ou des versets du Coran qu'on va lire jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde ou proche de la fin du monde. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il est satisfait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous, al-muhajirun wal-ansar. Al-sahabi wal-ladhi laqiya al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi mu'minan bihi أي آمن به في حياته اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن به. La définition d'un compagnon est celui qui a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم, a cru en lui, donc est rentré dans sa religion de son vivant. De son vivant, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en lui et l'a suivi dans sa religion. Celui qui a cela, c'est un sahabi. Il reçoit donc toutes ces éloges desquels nous parlons. Et le concerne tous les versets que nous allons réciter durant cette heure. Incha'Allahu ta'ala. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabin karim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Allah Azza wa Jal, dans le verset qu'on a récité avant celui-ci, nous montre que celui qui aura l'agrément d'Allah Azza wa Jal après As-Sahaba, c'est celui qui aura suivi As-Sahaba bi-Ihsan, avec excellence. مَا زَادَ وَمَا نَقَصَ مَا غَيَّرَ وَمَا بَدَّلَ. Celui qui suit As-Sahaba avec la même foi, avec la même croyance, il rentrera également dans ce verset. Il recevra l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ridha Rabbil Alamin a'zamu ni'am ahli al-jannah ba'da ru'yati wajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma matti'na bin nazar ila wajhika al-karim. L'agrément d'Allah, si on veut la voir, il nous faut suivre les compagnons avec excellence. On regarde la croyance qu'ils avaient, on l'étudie et on l'apporte en nous. On regarde les ibadats qu'ils avaient, la façon d'adorer Allah Azza wa Jal, on étudie cela et on les suit. On regarde leur comportement, on l'étudie et on les suit. Wa hakadha fi jami'i abwabiddin. Celui qui fait cela, il aura également l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Car Allah nous dit dans le verset passé, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Donc si tu suis les compagnons, et si tu suis la religion d'Allah Azza wa Jal comme ils l'ont suivi, tu rentreras dans le verset, et tu recevras l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et sache que l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le plus grand bienfait qu'Allah va donner à ses serviteurs fil jannah. Le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal va donner à ses serviteurs fil jannah, c'est son agrément, c'est le deuxième plus grand bienfait après quoi? Après la vision du visage d'Allah Azza wa Jal fil jannah. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens du paradis seront fil jannah. Ils seront en train de profiter des bienfaits. Tout sera halal pour eux. Voilà mamnou'ah. Il n'y aura rien d'interdit. Alors Allah Azza wa Jal va les appeler. Allah tabaraka wa ta'ala yukhatib ahl al-jannah. Et il va leur dire, j'ai une promesse que je vais vous donner. Les gens du paradis vont s'étonner. Ils vont dire, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas préservés du feu de l'enfer? Ne nous as-tu pas honorés du paradis? Et ils vont citer des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnés fil Jannah. Pour eux, il n'y a pas plus grand que ça. El Jannah. Alors Allah Azza wa Jalla va leur dire, Ridai, yani arda, raditu ankum, wa la askhatu alaykum abad. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla va dire aux gens du paradis, je vous donne ma satisfaction et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Allahu Akbar. Ça, c'est un des plus grands bienfaits que les gens du Jannah vont avoir après la vision du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous enseigne dans le Coran et nous dit que pour avoir la guidée, il nous faut suivre les pas des compagnons. Il nous faut avoir la même croyance que les compagnons. فَإِنْ آمَنُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Tous ceux qui viendront après Sahaba, pour avoir la guidée, pour être bien guidés, il leur faudra avoir la même croyance. الْإِمَانُ بِاللَّهِ الْإِمَانُ بِإِفْرَادِ اللَّهِ بِرُوبِيَةِ وَأُلُوهِيَةِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ نُثْبِتْ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ أو أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفى عن نفسه من النقائص والعيوب أو نفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر هكذا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ولا نسبقه بشيء قولا أو عملا قولين أو عملين. Donc on doit avoir la bonne croyance, on doit avoir la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir l'agrément d'Allah azza wa jalla, pour entrer fil jannah, pour avoir la guidée et pour avoir le bonheur de rentrer dans le paradis d'Allah azza wa jalla qu'il a préparé pour les gens. Puis uiddat lil muttaqin, tu dois croire qu'Allah azza wa jalla est le seul à mériter entièrement toute l'adoration, qu'il est parfait, il n'a aucun défaut dans ses noms ni ses attributs. Tu dois avoir comme croyance qu'il est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant. C'est donc le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Tu dois croire aux anges, en leur existence, en leur description. Tu dois savoir que ce sont des créatures d'Allah Azza wa Jal. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'una ma yu'maru. Tu dois croire aux livres qui ont été révélés, aux messagers qui ont été envoyés. Tu dois croire au destin bon et mauvais venant d'Allah Azza wa Jal, qu'il a tout su, que tout a été écrit dans les tablettes préservées, que ce qu'Allah veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas, et qu'il nous a créés nous ainsi que nos actions. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Tu dois croire donc au destin bon et mauvais. هذه هي أصول الإيمان أركان الإيمان الستة comme c'est venu dans le hadith d'Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه وصحيح مسلم الحديث المسمى بحديث جبريل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. Dans sourate Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la plus belle façon. Il nous dit, Muhammad est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont rudes et fiers envers les mécréants, miséricordieux envers eux. Tu les vois inclinés, prosternés à la recherche des bienfaits d'Allah et de son agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image qu'on donne d'eux dans l'évangile ou dans l'Injil, et celle d'une semence qui sort de la pousse, ni de la terre, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux, c'est-à-dire par les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Allah Azza wa Jal dans ce verset nous a décrit Sahabatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يخبر تعالى عن رسوله وأصحابه من صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجر والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe de son messager صلى الله عليه وسلم ainsi que de ses compagnons parmi ceux qui ont fait l'égir, ainsi que les auxiliaires, avec par la plus belle description et les meilleurs états. Ils nous parlent de l'alliance et du aveu qu'ils ont. Ils aiment ce qu'a aimé Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils se désavouent de ce dont s'est désavoué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah n'a pas aimé. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de leur adoration. Il nous montre leur piété. Tarahum sujjadan rukka. Il nous parle de l'adoration la plus aimée chez Allah Azza wa Jal. Ya Rasulallah, ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala. Kama fi hadith Abdullah ibn Saoud fi Sahih Bukhari. Qala as-salatu fi waqtiha. Allah Azza wa Jal nous a décrit sahaba leur piété dans le Coran en nous disant que ce sont des gens qui font beaucoup de salawat. Il a cité parmi les plus grands piliers de la salat as-sujud wa ar-ruku' et la station où l'homme est le plus proche de son Seigneur, c'est la prosternation. Ben on nous montre ici leur état et on nous les décrit dans la plus belle posture ar-ruku' wa as-sujud. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous montre que la piété qu'ils ont eue et le cœur propre qu'ils ont eu, a eu un reflet dans leur apparence. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ça s'est répercuté sur leur apparence. Wa hadha kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a dans le corps un morceau de chair. Si ce morceau est bon et sain, tout le reste du corps le sera. S'il est mauvais, corrompu, tout le reste du corps le sera, c'est le cœur. As-sahaba atharun nas quluban wa azkahum quluban. Ce sont les gens qui ont les cœurs les plus pieux, les cœurs les plus purs. Alors cela s'est reflété dans leur apparence. Allah Azza wa Jal nous cite dans ce verset également, avant ce que je viens de citer, qu'entre eux, il y a le mahabba. Entre eux, il y a rahma. Entre eux, il y a ra'afa. Les sahaba entre eux étaient unis. Ils s'aimaient les uns les autres, se secouraient les uns les autres, aidaient, s'aidaient les uns les autres. Al-ukhuwa ad-diniya. Al-mahabba fillah. Voici ce qu'il y avait Afwan entre eux. Après cela, Allah Azza wa Jal nous annonce dans ce verset qu'en plus d'avoir été décrit dans le Coran et d'avoir reçu les éloges d'Allah dans le Coran, ils ont eu cela également dans les livres passés. Dans la Torah, ils ont eu cette description. Et dans l'Évangile, ils ont eu une autre description. Allah Azza wa Jal les a fait ressembler à ce qui sort de la terre. La végétation qui pousse. Imaginez une tige qui sort de la terre. Et vous savez tous le besoin qu'ont les gens devant ce qui sort de la terre. Ils en ont besoin pour se nourrir. Bah de la même façon, as-sahaba al-umma bihaja bi amas al-haja as-sahaba li'annahum la yafqahuna shay'an 'an dinillah illa 'an tariqati as-sahaba. Allah Azza wa Jalla fait ressembler les compagnons à ce qui sort de la terre Car l'homme a besoin de ce qui sort de la terre également pour se nourrir, pour vivre. Ben de la même façon, tu es dans le besoin des sahaba, car ce sont eux qui ont transmis l'islam. Et tu ne pourras pas suivre le bon chemin, si ce n'est en suivant le chemin qu'ont suivi les compagnons. Allah Azza wa Jal nous montre que cette tige est sortie. Et d'autres sont sortis et ont renforcé cela. Ça nous montre comment étaient les sahaba entre eux, l'union qu'ils avaient, la force qu'ils avaient. Tayyib. Par la suite, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Yani ceux qui méditent, ceux qui étudient les sahaba, yani tu penses que du bien. Tu vois en eux qu'une belle description, que de la piété, que des nobles caractères. Et ceux qui les voient, parmi les autres communautés, ils sont jaloux d'eux, ils ne les aiment pas. Pourquoi ? Ils voient leur union. Ils voient leur union alors qu'eux sont divisés. Ils voient leur pureté alors qu'eux ne sont pas, n'ont pas cette description. Et Allah Azza wa Jalla à la fin nous cite la grande récompense qu'il leur a promis, qu'il leur a préparé, un pardon et une énorme récompense. Un pardon pour tous leurs péchés et une énorme récompense fil Jannah. Cela car les compagnons ont eux uni entre eux ماذا al-iman ou al-amal salih. Alors Allah Azza wa Jalla leur a donné deux choses, un pardon et une énorme récompense. Et cela dans ce bas monde, avant l'au-delà. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous parle de sahaba, nous parle de la suprématie des sahaba sur les autres, en nous disant Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad. Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad. Fara'a anna azka القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته اختاره فاصطفاه وجعله نبيا. طيب ابن مسعود nous dit رضي الله عنه certes Allah regardait dans le cœur des gens et il a vu que le cœur le plus pur c'était le cœur de qui? Mohammed صلى الله عليه وسلم. Il l'a donc choisi, élu, et il l'a envoyé avec son message. Il en a fait un prophète. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَرَأَى أَنَّ أَزْقَى الْقُلُوبِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قُلُوبَ الصَّحَابَةِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ يَنْصُرُونَ دِينَهُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. Ensuite Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, ensuite Allah regardez dans le cœur des gens. Il a vu que les cœurs les plus purs, après le cœur de son messager, étaient le cœur des compagnons. Alors il les a choisis en tant que ministres pour accompagner son messager dans sa mission. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla a choisi le sahaba. Pourquoi ? Pour secourir le meilleur des hommes. Pour protéger et défendre le meilleur des hommes. Pour protéger, pour répandre la religion du meilleur des hommes. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون ها هنا؟ الصحابه. ويتبع غير ماذا؟ يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل نجد القران celui qui fait scission avec le chemin du messager et suit un autre chemin que les croyants, on le laissera, on l'abandonnera à ce qu'il a choisi. Sa destination sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc celui qui ne suit pas le chemin des compagnons, Allah Azza wa Jalla le menace dans ce verset. Le menace d'un feu ardent, du feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Asna Allah subhanahu wa ta'ala على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Toute personne qui viendra après Sahaba. Toute personne qui viendra après Sahaba ne pourra jamais atteindre leur niveau. Même si quelqu'un aurait une espérance de vie de 1000 ans, passé en adoration, il ne pourra pas atteindre le niveau du plus petit sahabi. Ces gens-là ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là ont été témoins de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ha'oula humul ladina hafidhu ddin wa ballaghu ila man ba'dahu. Ces gens-là sont ceux qui ont mémorisé la religion. Ces gens-là sont ceux qui ont appris la religion pour la transmettre aux générations après. La salat que tu fais, la zakat de laquelle tu t'acquittes, toutes les adorations que tu fais, qui est-ce qui te les a transmises? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris cela à qui? Al-Sahaba. Al-Sahaba ont transmis cela à Tabi'oun. Et ainsi de suite jusqu'à ce que c'est venu à notre époque. Man alladhina hafidhu ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam? Al-Sahaba. On voit les livres ici, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, et ainsi de suite. Qui sont ceux qui ont mémorisé les ahadiths? Al-Sahaba. Wallah, ici il y avait eu, parmi les mérites des compagnons, que le fait qu'ils nous ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été suffisant pour qu'on leur donne la plus grande place, pour qu'on les aime, pour qu'on les cite en bien, pour qu'on fasse leurs éloges. Et comment on ne pourrait ne pas être satisfait d'eux alors qu'Allah Azza wa Jalla a été satisfait d'eux dans le Coran? Est-ce qu'il y a une satisfaction au-dessus de la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla? Radiallahu ta'ala an as-sahabati ajma'in. الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة لهم مراتب حتى فيما بين أنفسهم هم خير ممن بعدهم صحيح ولكن فيما بينهم مراتب. As-Sahaba, nous avons cité qu'ils sont meilleurs que ceux qui viendront après. Mais sachez également, chers frères, havidakumullah, que As-Sahaba, entre eux, ont des places différentes. Les meilleurs des Sahaba, Al-Ashrul Mubashsharina Biljannah, les 10 qui ont été promus au paradis. Pourquoi il y en a plus que 10 en tout qui ont été, dont on a cité l'entrée au paradis. Mais ces gens-là ont été cités dans le même hadith, puisque cela est terminé. Tayyib. Et les meilleurs d'entre eux sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Tayyib. Après les 10, Tayyib. Après les 10 comme Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Saïd, Saad, Mada Abu Ubaida, Ibn Jarrah, Al-Zubayr, Ibn Awam, radiallahu anhu. Après ces gens-là, c'est Al-Muhajiroun. Après eux, Al-Ansar. Et il y a aussi avant ça Ahlu Bay'at al-Ridwan, les gens qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un arbre quelconque. Il y avait 1400, il y avait 1400 personnes, ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un arbre. On les appelle Ahl Bay'at al-Ridwan, Ahlu al-Shajara. On les surnomme comme cela. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لَنْ يَلِ جَنَّارْ أَحَدٌ بَايَعَ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam مِنْ أَهْلِ الشَّجَرَ وَهَذَا فِي صَحِحِ مُسْلِمٍ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ces gens-là, il n'y en a pas un qui rentrera fin nar. Il n'y en a pas un qui rentrera fin nar. Donc ça, s'ils ne vont pas entrer fin nar, ils vont aller où? Fi al-Jannah. في الجنة نسأل الله يجمعنا معهم في أعلى العليين. Donc ceux qui se sont convertis avant Al-Fath, avant Bay'at al-Ridwan, sont meilleurs que ceux qui sont venus après eux. Et les versets qui nous parlent de cela sont très nombreux. Il y a beaucoup de versets. Il y a également beaucoup de hadiths. Parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Saoud qu'on a déjà cité, les meilleurs des gens sont ma communauté, plus ceux qui viendront après, el hadith. Parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dans lequel il nous dit, c'est le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, wa هذا الحديث في صحيح مسلم النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما توعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعدون. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les étoiles sont une sécurité pour le ciel. Lorsque les étoiles vont partir, touchera le ciel ce dont il était menacé. Et moi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis une sécurité pour mes compagnons. Lorsque je partirai, ils seront touchés de ce dont ils étaient menacés. Et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté. Et lorsqu'ils partiront, touchera ma communauté ce dont ils ont été, ce dont elle était menacée. Donc de ce hadith, on voit la valeur des sahaba dans la communauté. C'est une protection qu'Allah Azza wa Jal a mis pour protéger sa religion de tout changement. Et regardez comment on a fait ressembler les sahaba à quoi ? Al-Nujum, aux étoiles. Ibn al-Qayyim dans d'autres textes nous cite quelle est la comparaison entre sahaba ou entre les savants qu'on peut faire avec Al-Nujum. Il nous dit Al-Nujum, quel est leur rôle? Quel est le rôle des étoiles? Si on médite le Coran et les hadiths, on verra qu'il y a trois rôles pour les étoiles. Zinatun lissama, ça décore, c'est un ornement pour le ciel. Fakadhalika al-ulama wa ala muqaddimati ma sahaba. Les étoiles, ça décore le ciel. De la même façon, les sahaba ont décoré cette terre. Deuxièmement, les étoiles, imada rajman ju'ilat rajmatan lishayatin. صح? Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran, avant les shayatin, ils venaient dans les cieux. Et ils écoutaient et ils volaient des informations, ils prenaient des informations pour aller répéter aux kohan, aux voyants. Taïf, ceux qui font de la magie et ceux qui font de la voyance, ils travaillent avec les shayatin. Ils adorent des shayatin, ils leur donnent de l'adoration et les shayatin leur amènent des informations. Taïf. Et à la révélation du Coran, Allah Azza wa Jal a empêché les shayatin de venir prendre des informations. Et on a mis des étoiles et des étoiles filantes qui lapident les shayatines qui essayent de venir écouter. Ça c'est fi sama et fi l'ard, les ulama et à leur tête les sahaba. Dès qu'il y a du mal, les ulama l'enlèvent et réfutent le mal. Lorsque le faux vient, les ulama viennent avec la vérité. Lorsque l'innovation arrive, les ulama ramènent la sunna. Wahakada. Les sahaba, lorsqu'ils étaient présents, les gens n'ont pas réussi à ramener des nouveautés et à corrompre la communauté. Taïb. Également, le troisième rôle, on peut citer le troisième rôle des étoiles, وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ. Ça sert à quoi? À se diriger. Celui qui est en voyage, celui qui prend la mer, il se dirige avec quoi? Avec les étoiles. Avec les étoiles. فَكَذَلِكَ الْعُلَمَا وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ الصَّحَابَ. Les sahaba, avec eux, tu peux te diriger. Tu veux savoir si ça c'est bon, ça c'est pas bon? Regarde si les sahaba l'ont fait. Tu veux savoir si ta compréhension du dîn est bonne? Regarde si les sahaba ont compris comme cela. فَمَا أَجْمَلَ هَذَا الْمِثَالِ. Subhanallah. Donc, les sahaba ont été comparés, pour ces raisons et d'autres, aux étoiles. Dans de nombreux récit, on voit comment les sahaba se sont sacrifiés pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Comment les sahaba ont été les meilleurs dans toutes les qualités. Au point, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, nous dit, ce que les sahaba ont vu pour nous est meilleur que ce que nous, on peut voir pour nous-mêmes. الخير الذي ترى أنت لنفسك الصحابة رأوا أحسن منك إذا اتبعت الصحابة ستكون خيرا وأفضل ولا شك. Celui qui suit les sahaba ne pourra que devenir meilleur, quelle que soit la qualité. Tu veux t'améliorer, اقرأ في سيار الصحابة والله تجد العجب. Celui qui lit dans la biographie des compagnons va trouver des choses qu'il ne pouvait même pas, yani qu'il n'aurait même pas pensé possible sur un fils d'Adam. Min at-tadhiya, le sacrifice qu'ils ont fait. Wa nadhkur ba'd al-amthila. Fi hijrat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Kuffar Quraysh ont empêché les musulmans de pratiquer leur religion à Mecca et qu'ils l'ont causé de nombreux torts, Allah Azza wa Jalla leur a permis de faire al-hijra. Environ 13 ans après le début de la prophétie. Les sahaba ont commencé à partir en cachette. Ils sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est resté tant qu'il n'a pas reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Abu Bakr voulait partir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: patiente, j'espère qu'Allah va me permettre al-hijra. Puis Allah Azza wa Jal adhina li nabi sallallahu alayhi wa sallam bil hijra. Abu Bakr est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en pleine journée chez Abu Bakr. Il lui a dit: akhrij man indak, fais sortir ceux qui sont chez toi. Il lui a dit: ma fi ahad ghayra ahlik. Ghayra ahlik, il n'y a personne si ce n'est ta famille. Il lui a dit: on m'a permis de faire l'hijra. Prépare-toi. Abu Bakr lui a dit: j'ai deux montures, ya Rasulallah. Je t'en donne une. Ba'da zalik, ils sont partis, ils ont pris la route. Kuffar Quraysh ont envoyé des gens à la recherche d'Abu Bakr et du prophète sallam, mort ou vif, et ils ont mis une grande rançon. Tayyib. Abu Bakr radiallahu anhu n'a pas hésité une seconde. Il a délaissé tout ce qu'il avait à Mecca. Il a tout abandonné pour accompagner son bien-aimé, son messager, sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, et là on va voir comment les sahaba ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, Abu Bakr, par moments, il marchait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À d'autres moments, il marchait derrière lui. Tayyib. Fastagharaba min dhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فقال له يا أبا بكر ما هذا تارة أراك تمشي أمامي وتارة أراك تمشي ورائي. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قولا عظيما ستره التاريخ. أبو بكر رضي الله عنه lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit: pourquoi des fois tu marches devant moi et des fois tu marches derrière moi? أبو بكر lui a dit: يا رسول الله, lorsque je me rappelle des ennemis à nos trousses, je me mets derrière toi. إذا تذكرت الطلب كنت وراءك. يعني مثل الجنة, comme un bouclier. Il se mettait derrière lui comme un bouclier. Comme ça, si l'ennemi arrive, le premier sera Abu Bakr. Il voulait pas que le prophète صلى الله عليه وسلم reçoive la moindre nuisance. Ensuite, il lui dit: وإذا تذكرت أذية الطريق كنت وراء أمامك. Quand je me rappelle la difficulté du chemin et le mal qui peut nous arriver devant, alors dès que je pense à ça, je viens devant toi. Ensuite, je pense à l'ennemi, je reviens derrière toi. Je pense au chemin, je viens devant toi. Subhanallah. Regardez comment Abu Bakr a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le chemin, ensuite dans la grotte, il restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le chemin. Il n'avait pas peur pour lui. ما كان يخاف على نفسه بل كان يخاف على حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que lorsque les gens sont arrivés devant la grotte qui était souterraine, Abu Bakr a vu leurs pieds. Ils étaient en bas, il a vu leurs pieds. فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى يعني أسفل أقدامي لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وذكر الله ذلك في القرآن فقال ماذا إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يقل له لا تخف بل قال له لا تحزن لعلمه أن أبا بكر لا يخاف على نفسه بل يخاف على رسوله. فقال له لا تحزن لا تحزن علي الله سبحانه وتعالى يدافع عنا ومعنا معية الله الخاصة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Que pensions Abu Bakr de deux personnes dont Allah est le troisième? Parce qu'Abu Bakr avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont arrivés à Medina, Al-Bara ibn Azib nous dit, je n'ai jamais vu les habitants de Médine aussi heureux que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Ça a illuminé Al-Medina. Ça a illuminé Al-Medina. Suhayb al-Rumi, radiallahu anhu, était un habitant de Mecca. Il a grandi chez les Romains. Il est venu à Mecca, a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en lui. Et comme je vous ai dit, il faisait la hijra en cachette les gens, parce que Kufar Quraysh ne les laissait pas partir. Suhayb a réussi à se sauver un jour. Il voulait faire la hijra. Kufar Quraysh l'ont rattrapé. Et ils lui ont dit, où est-ce que tu veux partir? Il a répondu, je veux faire al-hijra. Ils lui ont dit, Jitana surlokan, la malalak. Tu nous es venu, tu étais pauvre, tu n'avais rien. Fi ashaddi al-faqr. Et maintenant que tu es venu chez nous, tu t'es enrichi, tu crois qu'on va te laisser partir comme ça? Ça ne va pas se passer comme ça. Regardez la parole de Suhayb. Et quand on cite ces histoires, c'est pas juste pour parler et nous rappeler de ces gens-là. C'est pour qu'on les prenne en tant qu'exemple. C'est pour que ça nous motive dans la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est pour qu'on se corrige, qu'on purifie nos cœurs, qu'on purifie notre chemin et qu'on essaye de ressembler à ces gens-là. Suhayb leur a dit "In kana yahummukum al-mal faqad dafantu fi makan kadha wa kadha fadhhabu wa khudhuh." Subhanallah. Jami' malihi yudhahi bihi لأجل أن يهاجر ويلتحق بحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويفوز بصحبته. Suhayb رضي الله عنه lorsqu'ils l'ont attrapé et ont refusé de laisser partir, il leur a dit qu'est-ce que vous voulez? Ils lui ont dit tu es venu, tu étais pauvre, tu n'avais pas d'argent, maintenant que tu t'enrichis tu veux partir avec notre argent? Il leur a dit si c'est mon argent qui vous intéresse, j'ai enterré toute ma richesse dans tel endroit et tel endroit et tel endroit, allez prenez tout mon argent. Subhanallah. Sur'atu istijabati as-sahabati li amri Allah wa rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Il n'hésitait pas une seconde. Il n'a pas hésité une seconde à donner tout son argent à Kufar pour partir à Médine et rejoindre son bien-aimé, son messager sallallahu alayhi wa sallam. Aina nahnu min hadha? Où sommes-nous de cela? Où sommes-nous? Est-ce qu'on a sacrifié quelque chose pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on a dépensé quelque chose pour la religion d'Allah azza wa jalla? Lorsqu'on veut construire une mosquée, nata'akhar, hein, on prend du retard à dépenser de notre argent. Lorsqu'il y a un frère dans le besoin ou une sœur dans le besoin, nata'akhar, on prend du temps à dépenser de notre argent. Lorsqu'on entend l'aïdhan, nata'akhar, on prend du temps à venir au masjid. Wa hakaza. Hal kanu hakaza, ya ikhwani. Est-ce que les sahaba étaient comme ça? Bati al-mashi. Bal kanu sari'in. Ils étaient très rapides dans la réponse devant les ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé le verset sur l'interdiction du khamr, Abu Talha radiallahu anhu était chez lui avec Anas et ses invités. Anas est le fils de Musulayb. Abu Talha était marié avec la mère de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Lorsqu'il lui a dit que le khamr a été interdit, l'alcool a été interdit, il a dit Hum ya Anas, lève-toi ya Anas, prends tout l'alcool et verse ça dans la rue. Ya subhanallah. Est-ce qu'il a dit est-ce que c'est Nahi al-Tahrim ou Nahi al-Kiraha? C'est makruh ou bien c'est haram? Ah, t'es sûr c'est haram? C'est pas makruh? Ma fi min hadha, ma fi. Haram, haram. Lève-toi ya Anas et vide l'alcool dans la rue. Vous savez ce qu'on dit les habitants de Médine? C'est comme s'il y avait des ruisseaux d'alcool à Médine lorsque le verset a été interdit. Pourquoi? Tout le monde est sorti avec l'alcool à verser l'alcool. Al-an, idhhab ila man yashrubu ad-dukhan. Maintenant, aujourd'hui, va voir ceux qui fument. Et dis-leur, هذا حرام. قال الله لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allah Azza wa Jalla a interdit de causer votre perte. Allah vous a interdit de vous tuer vous-même. Il est envers vous miséricordieux. Va les voir. Allah Azza wa Jalla haram al-khaba'ith. Va les voir. Et dis-leur, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله مر المؤمن بما مر به المرسلين. طيب. Dis-leur les versets. Dis-leur les hadiths. Dire qu'Allah est rahim envers eux, il ne veut pas pour le mal. Allah ne veut pas ce suicide, non. Al-intihar al-bati, comme on l'appelle. Shurb al-dukhan, haram. Haram, c'est un suicide. Ça cause de nombreuses maladies qui sont destructrices et meurtrières. Et lorsque tu viens avec ces textes, la personne te dit, est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est makruh? Pareil, c'est makruh, c'est détestable, c'est pas haram. Ya subhanallah. Est-ce que c'est comme ça qu'étaient les sahabes? Wallahi, une ayah, un seul verset, ça a changé toute leur vie. Un seul verset, ça a changé toute leur vie. Subhanallah. Lorsque le verset du hijab est descendu, les femmes ont tous mis le hijab. Personne n'a dit, il me faut un peu de temps, ou kaza, ou c'est difficile, ou bien, ma fi min hadha. Qalu sami'ana wa ata'ana. Sami'ana wa ata'ana. Da'iman kanu hakaza. Tout le temps, ils étaient comme ça. علم فهم حفظ عمل ثم دعوة وصبر دائما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Ils ont préservé la religion. جابر بن عبد الله سافر إلى شام مدة شهر لأجل حديث واحد. جابر بن عبد الله fait un voyage de un mois pour aller chercher un seul hadith. Ensuite il est revenu. Un seul hadith, un mois. لأنهم أدركوا أهمية هذه الكلمات المنورة. Ils ont compris l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal radiyallahu anhu, kuffar Quraysh l'ont pris parce qu'il a cru en Allah, parce qu'il a dit la ilaha illallah, parce qu'il a refusé d'adorer les idoles. Ils l'ont emmené dans le désert, ils l'ont traîné au sol, ils l'ont allongé sur le sol ardent, brûlant. Et ils ont mis sur lui une grosse pierre. Et ils lui disaient, insulte Allah, ou bien plutôt insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dis que tu adores nos divinités. La ilaha illallah. Ta'azib, shadid. Bilal, abdoun. C'était un esclave. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ahadun, ahad. Ahadun, ahad. Yu'linu tawhid wa yu'azzab. Il a prononcé le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, alors qu'il était en train d'être torturé. Aba an yatalaffadha bil kufr. Alors qu'il était forcé. Tu as le droit de dire la parole de mécréance si tu es forcé et tu crains pour ta vie. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, comme Allah dit dans le Coran. À une condition, que tu sois forcé et que tu as la foi dans ton cœur. Si on te force, tu as le droit. Si on te force, tu as le droit de prononcer une mauvaise parole. Bilal a refusé. Il a refusé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé Abu Bakr à affranchir Bilal. Abu Bakr est venu et a acheté Bilal. Il l'a affranchi directement. Regardez comment a été rapide Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait da'wa. Abu Bakr est parti. Il a posé son argent. Il a pris Bilal. Anta hurri wajhillah. Directement. Khabbab, radiallahu anhu. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont enchaîné. Ils l'ont traîné sur le sol, l'ont ramené dans un endroit et ont commencé à le torturer. Il leur a dit, je vous demande juste une chose. Laissez-moi faire deux rak'a pour Allah. Subhanallah. Ils vont le tuer et lui pense à faire quoi? Al-ibada. Al-ibada. Aina nahnu min hadhi al-ibadat. Wa la ahad yu'adhab yuqtal minna. Nous on est libres au jour d'aujourd'hui, on peut adorer Allah Azza wa Jal. Personne ne nous empêche de faire sujoud, ça. Personne ne nous empêche de dire la ilaha illallah. Est-ce qu'on prie beaucoup de nawafil? Est-ce qu'on fait beaucoup de adhkar? Ces gens-là, fi hadha az-zaman, wallah, pour la ilaha illallah, il y en a qui sont morts pour l'islam. Il y en a qui sont morts, Soumaïa radiallahu anha, wa Yasser, Abu Ammar, Walida Ammar radiallahu anhu, عذبوا وقتلوا لأجل الله سبحانه وتعالى صبروا. خباب a fait deux rak'ah. خباب وخبيب نعم a fait deux unités de prière. Ils ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un faire une salat avec autant de khushu', subhanallah. Il leur a dit, si ce n'était pas par peur que vous pensiez que j'ai peur de mourir, j'aurais prié encore plus longtemps. Moi j'étais bien dans ma salat. Mais il a eu peur qu'il pense qu'il a peur. Alors il a écourté sa salate avec khushu'. Tayyib. Ensuite ils lui ont dit, ya khabbab, ou bien khubayb. Tayyib. Atuhibbu an yakuna Muhammad makanak wa anta ma'a ahlik wa awladik? Qala wallahi la uhibbu an yakuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi makani. Tayyib. Wa ana 'inda ahli. طيب ما أحب أن أكون في أهلي والنبي صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة سبحان الله. Ils lui ont dit, t'aimerais bien être chez toi au sein de ta famille à l'abri et que Mohammed soit à ta place صلى الله عليه وسلم. Il a dit, wallah, je n'aimerais pas être tranquille dans ma famille si je savais que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم allait être piqué par une épine. Une épine, je ne veux pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je préfère mourir. Subhanallah. Hadi mahabbatu ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. An yushaku bi shawkatin wa huwa fi ahlihi. An yushaku bi shawka wa huwa fi ahli. Naam. Je ne voudrais pas qu'il soit touché d'une épine, une seule épine, alors qu'il est tranquille au sein de sa famille. Est-ce qu'il y a un amour après cet amour, ya ikhwani? Hadi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ukhuwatu ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma hiya hadi l'ukhuwatu ra? Un jour, après une bataille, un homme a ramené de l'eau à son cousin qui était en train de mourir. Il était dans le besoin. Son cousin a pris l'eau et il l'a porté à sa bouche. Il a entendu un bruit. Il a vu quelqu'un parmi les musulmans qui était en train de souffrir, il lui a dit, donne-lui l'eau, il est encore plus dans le besoin que moi. T'es allongé, dans ton sang, on te ramène de l'eau, qu'est-ce que tu dis? Mon frère, il a besoin de l'eau, ramène-lui l'eau. Hadi ukhuwatu ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir le deuxième, il lui donne l'eau, il va pour boire l'eau, il entend un bruit. Il voit son frère qui est en train de souffrir, il lui dit, ramène-lui l'eau, il a encore plus besoin de l'eau que moi. Quand il arrive au troisième, le troisième il est mort. Il le trouve mort. Il revient au deuxième, il le trouve mort. Il revient au premier, son cousin, il le trouve mort. Allah. Hadihi ukhuwatu ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté tout seul avec l'eau dans la main. هؤلاء طلقوا الدنيا ثلاثة باعوا ماء الدنيا لماء الآخرة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. Ils ont préféré délaisser ce bas monde pour l'au-delà. Ils ont préféré délaisser ce bas monde pour ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a préparé dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, man taraka shay'an ittiqa'an lillah, 'awwadahu Allah khayran min. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace cela par meilleur que cela. Abdurrahman ibn Auf et Sa'd, l'histoire à Médine, lorsqu'ils sont arrivés, le prophète sallam les a rendus frères. L'habitant de Médine était riche, l'habitant de Mecca, vous savez qu'ils ont tout délaissé à Mecca pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il était pauvre, il n'avait rien. Il lui a dit, tu es mon frère en islam. Je suis un des plus riches de Médine. Je divise mon argent en deux et je te donne la moitié. Je te donne la moitié. J'ai deux femmes. Choisis celle qu'il te plaît. Je la divorce. Après sa période de viduité, tu l'épouseras. Hadi. Hadahua infaq. وإيثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voici la générosité des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Je te donne la moitié de mes richesses. Tu choisis une de mes épouses, je la divorce. Il lui a dit barakallahu fi malik wa fi ahlik lakin dullani ala souq. Il a pris de l'argent, il a fait du commerce et il est c'est devenu un des plus riches de Médine. Au point les gens ont dit il était Mubarak. Tout ce qu'il touchait dans le commerce, il réussissait. Hada infaqu ashab rasul sallallahu alayhi wa sallam wa hadi iffatu ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a refusé. Il s'est contenté de ce qu'Allah lui a donné. Il a voulu travailler de ses propres mains. Ça, c'est une des qualités encore des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talha, ou bien Abu Talha radiallahu anhu, lorsqu'Allah a révélé l'intana al-bir hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Vous n'atteindrez pas la piété tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Allah a révélé tel verset et ce verset nous dit cela. Ben moi, ce que j'ai de plus cher, c'est mon jardin Bayrouha. C'est un jardin, il y avait des palmiers, des ruisseaux. Et il lui a dit, Sadaqa, je le donne pour Allah Azza wa Jal. Sadaqa, je le donne pour Allah Azza wa Jal. Tayyib. Les sahaba ont été décrits comme ça dans le Coran. Dans Al-Mu'adha Al-Muhajiru, Al-Mu'adha Fi Surat Al-Hashr, قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. المهاجرون كما est-ce qu'ils ont été décrits comme étant véridiques. Ils ont tout délaissé pour Allah Azza wa Jal. Les gens de Médine, ils ont accueilli les sahaba ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Ils dépensent pour les autres, même si eux sont encore plus dans le besoin, ils n'ont rien. Mais pourtant, ils donnent à leurs frères, ils partagent avec leurs frères. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hadith Tayyib qui nous montrent comment Allah Azza wa Jal a élevé ces gens-là, comment il les a préférés aux autres nations. Il a préféré la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux autres communautés. Il a préféré les sahaba aux autres musulmans. Après avoir vu toutes ces qualités, après avoir vu combien Allah Azza wa Jal les a élevés, on comprend qu'on ne doit que les aider. Ils ont des droits envers nous. On doit purifier nos cœurs de toute mauvaise pensée à leur égard. On ne doit penser de que du bien. On ne doit les citer qu'en bien. On doit faire leurs éloges et les agréer car Allah a été satisfait d'eux. Ça fait partie de leurs droits. Et tu ne dois surtout pas citer la moindre mauvaise parole à l'égard d'un sahabi. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما سواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'insultez pas mes compagnons par celui qui détient mon âme dans sa main. Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, cela ne serait pas l'équivalent de ça en aumône. Al-mud hada. Tayyib. S'il donne ça en aumône, ou wala nasifa ni la moitié. Ni la moitié. Tu donnes une montagne en or et lui il donne ça, cela sera meilleur chez Allah Azza wa Jal. Comment après ça on pourrait dire du mal de sahaba? Subhanallah. Hada dalal mubin. Bal man ta'ana fi sahaba aw dallala aktharahum aw takallama fi ummina al-barra as-siddiqata binti siddiq fa huwa zindiqun kafir billahi al-azim. Celui qui insultait sahaba, celui qui parle sur les sahaba, ou qui dit que la plupart d'entre eux ont mécru, ou bien sont des munafiqoun, ou bien parle sur Aïcha notre mère, cette personne est un hypocrite. Cette personne n'a pas de place dans l'islam. Car celui qui parle sur eux, il parle sur l'islam, il parle sur le Coran. Qu'est-ce qui nous a transmis le Coran? Les sahaba. Donc si les sahaba ne sont pas bien, ça veut dire qu'il y a des doutes dans le Coran. Ça veut dire qu'il y a des doutes dans l'islam. Subhanallah. فرضي الله عن الصحابة أجمعين اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين أبو بكر عمر عثمان وعلي وسائر الصحابة اللهم اجعلنا من أتباعهم اللهم حببهم إلينا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا.